Check. Reste comme ça, tout vire pour le coup. Ça déboule par la gauche, ça déboule par la droite. Pour rencontrer bénéfice, personne n'a les mains moites. Ça commence par la triche, à la poursuite de l'eau. Le but c'est pas d'être riche, c'est d'être plus jamais pauvre. Et y'a pas d'horizon, ta croix c'est-il le jour. On a tous des cupules, alors ça pèse le tour. Alors ça pèse le contre, ça pèse le mammifère. Tu sautes la rue c'est son, et tu vas rien y faire. Ah ouais, je voulais toutes les preuves, mais mon petit frère garde espoir. Ma gueule si je veux tous les soirs, je pèse la plus bonne de l'école. Et pas de modèle, pas d'idole, personne pour nous faire des sens. Avec monsieur Alexandre, au sommet du capital. J'ai bagarre ou ma carapelle, c'est la haraplaine. Une nouvelle guerre tous les matins, prendre mes patins c'est pas la peine. Et je suis qu'un homme, on me fait du mal. J'ai Hamdoula tous les jours, R.A.S. comme Kalashkri. Mais je fais du buzz et je fais les tours. Bagarou, bang. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day. On pose le con au sol, je m'a tellement manqué. J'ai fait mes arts de col, et sur toi mes banquiers. T'as les épaules solides, t'es vaillant sacré cœur. Mais arrête de mentir, vers la mort ça fait peur. Gros y'a pas de forêt sans loup, gros y'a pas de gré sans loup. J'suis qu'un humain, j'fais des erreurs, j'peux pas être parfait dans tout. J'suis raté sur les remparts, frère on monte à garde, on veille. Ils savent tous que ça fait longtemps qu'on fait plus ça pour l'oseille. Ils savent tous de quoi j'suis capable. Première main tu touches ou paye, j'pose une major à chaque table. J'déclenche une guerre de bouteilles, c'est trop pour rien mon chipé. Ici t'entends les Balkans, tu fais ton combat Pristina. C'est Fiam Sogo des Balkans, vaca plou. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur.